Chapitre 15. Pendant que les événements précédents se passaient dans la forêt de Pontbriand, Madame Bastien éprouvait d'horribles inquiétudes. Fidèle à la promesse que la veille elle avait faite à Frédéric, elle attendit longtemps avant d'entrer dans la chambre de son fils. Le croyant endormi, elle espérait qu'il trouverait quelque calme dans ce repos réparateur. Aussi, jusque vers environ 1 heure de l'après-midi, la jeune mère resta dans sa chambre, qui communiquait à celle de Frédéric, prêtant de temps à autre une oreille attentive, afin de tâcher de savoir si son fils dormait d'un sommeil paisible. Marguerite, la vieille servante, entra chez Madame Bastien pour lui demander quelques ordres. « Parlez bas et refermez bien doucement la porte, » lui dit Marie à mi-voix. « Prenez garde d'éveiller mon fils. »« Monsieur Frédéric, madame, » répondit Marguerite ébahie, « mais il est allé ce matin au point du jour chez le père André avec son fusil. » Courir à la chambre de son fils et s'assurer de la vérité de l'assertion de sa servante, tel fut le premier mouvement de Madame Bastien. Frédéric, en effet, n'était plus là, et son fusil avait aussi disparu. En rapprochant de cette dernière circonstance la mystérieuse disparition de Frédéric, la malheureuse mère sentit ses larmes arriver à leur comble. « Évidemment, » pensait-elle, « son fils avait voulu se dérober aux explications qu'elle pouvait lui demander dans son étonnement, de lui voir son fusil à la main, et elle le savait trop accablé pour croire qu'il pût songer à la chasse. » Madame Bastien se rendit en hâte à la maison du père André, le jardinier chez qui on avait vu entrer Frédéric au point du jour. Mais le jardinier était sorti depuis peu de temps. Dans son ignorance du chemin qu'avait suivi son fils et de celui qu'il devait prendre à son tour, Marie se rendit à l'extrémité de la futaie sur un petit tertre assez élevé, tâchant d'apercevoir au loin son fils dans la plaine au-delà de laquelle commençait la forêt de Pontbriand. Les heures s'écoulèrent, Frédéric ne parut pas. L'on était, nous l'avons dit, dans les premiers jours de novembre. Le soleil allait bientôt se coucher derrière de grandes masses de nuages brumeux, que de longues rayures rougeâtres séparaient du sombre horizon formé par la cime des bois déjà noyés d'ombre. Madame Bastien, dont l'angoisse augmentait à mesure que le jour arrivait à sa fin, explorait en vain du regard les chemins sinueux et découverts qui serpentaient à travers les champs. Soudain, Marguerite, accourue vers la futaie, dit à sa maîtresse, du plus loin qu'elle l'aperçut, « Madame, madame, voici le père André à qui M. Frédéric a parlé ce matin. « Où est André ?»« Madame, je l'ai vu de loin, sur la route où je guettais de mon côté. » Sans en entendre davantage, Madame Bastien courut vers le chemin par où s'avançait le vieux jardinier, qui pliait sous le poids d'une énorme botte d'églantier fraîchement arrachée. Dès que Madame Bastien fut à portée de voix du vieillard, elle s'écria « André, vous avez vu mon fils ce matin. Que vous a-t-il dit? Où est-il ?» Avant de répondre à ces questions précipitées, André se déchargea péniblement de son faisceau d'églantier qu'il déposa par terre. Puis il répondit à sa maîtresse « En effet, madame, ce matin, au point du jour, monsieur Frédéric est venu me trouver pour des balles. »« Pour des balles ?»« Oui, madame, pour me demander si j'avais du plomb pour fondre des balles de calibre pour son fusil. »« Ah, mon Dieu !» s'écria madame Bastien, toute tremblante. « Des balles pour son fusil. » « Certainement, madame, et comme il me restait un bout de tuyau en plomb, j'ai fondu une demi-douzaine de balles pour monsieur Frédéric. »« Mais, » dit la jeune femme d'une voix altérée en s'efforçant de chasser une idée folle, horrible, qui lui traversa l'esprit, « ces balles, c'était donc pour la chasse. »« Bien sûr, madame, car monsieur Frédéric m'a dit que Jean-François, vous savez, le métayer de la Condrée. »« Oui, oui, je sais, ensuite. »« Jean-François a donc conté hier à monsieur Frédéric que voilà 2 nuits de suite. » Qu'un des sangliers de la forêt vient retourner de fond en comble son champ de pommes de terre. Et comme ce soir la lune se lève de bonne heure, M. Frédéric m'a dit qu'il irait se mettre un affût que Jean-François connaissait et qu'il tuerait le sanglier. « Mais c'est d'une imprudence horrible !» s'écria Madame Bastien, qui ne faisait que changer d'appréhension. « Frédéric n'a jamais tiré le sanglier. S'il le manque, c'est jouer sa vie. »« N'ayez pas peur, madame. M. Frédéric est bon tireur et... »« Mon fils est donc à cette heure à la métairie de la Coudraie ?» demanda Madame Bastien en interrompant le jardinier. « Faut le croire, madame, puisqu'il doit aller ce soir à l'affût avec le métayer. » Madame Bastien ne voulut pas en entendre davantage et s'éloigna précipitamment. Le soleil baissait. Déjà le disque rougeâtre de la lune, alors dans son plein, commençait de poindre à l'horizon. La métairie de la Coudraie se trouvait à une demi-lieue. Marie s'y rendit en hâte, à travers champs, ne songeant pas, dans son inquiétude, à prendre même un châle et un chapeau. À mesure que le soleil disparaissait, la lune, encore voilée par la brume du soir, s'élevait lentement au-dessus de la masse noire des grands bois et jetait assez de clarté pour qu'on y vît presque autant qu'en plein jour. Bientôt, Marie aperçut à travers un taillis de marsolles, dont était entourée la métairie, une lumière annonçant que le fermier était de retour des champs. Un quart d'heure après, la jeune mère, toute haletante de sa course précipitée, entrait chez le métayer. À l'allure d'une bourrée qui brûlait dans l'âtre, Jean-François, sa femme et ses enfants étaient assis autour de leur foyer. « Jean-François, dit vivement Madame Bastien, conduisez-moi vite, je vous en supplie, à l'endroit où est mon fils. » Puis elle ajouta d'un ton de triste reproche, « Comment avez-vous pu laisser un enfant de cet âge s'exposer à un pareil danger? Mais enfin, venez, je vous en prie, venez. Il doit être encore temps d'empêcher cette horrible imprudence. » Le métayer et sa femme se regardèrent d'abord avec ébahissement, puis Jean-François reprit, « Madame, excusez, mais je ne sais pas ce que vous voulez dire. Comment? Vous ne vous êtes pas plaint hier, mon fils, de ce qu'un sanglier venait ravager votre champ depuis deux nuits? Oh oh! Les sangliers trouvent trop de glands en forêt cette année pour sortir si tôt, madame, et Dieu merci, jusqu'à présent, ils ne nous ont fait point de ravage. Mais, mon fils, vous ne l'avez donc pas engagé à venir tirer ce sanglier? Moi, madame, jamais, au grand jamais, je ne lui parlais de sanglier. Aujourd'hui, vous n'avez pas donné rendez-vous à mon fils? Non, madame. » À cette révélation, Marie resta un moment muette, accablée d'épouvante. Enfin, elle murmura. Frédéric a menti à André. Mais alors, c'est balle, mon Dieu, pourquoi donc faire? Le métayer, s'apercevant de l'inquiétude de Madame Bastien, se crut en mesure de la rassurer et lui dit, « Il est vrai, madame, que je n'ai pas parlé du sanglier à Monsieur Frédéric, mais si vous venez le chercher, je crois savoir où il est. Vous l'avez donc vu? Oui, madame. Où cela? Quand cela? Madame, c'est bien la montée si rapide qui est à un quart de lieue de la cave et de la vieille coupe, en allant vers le château de Pontbriand par la forêt. Oui, oui, ensuite. Eh bien, madame, à la nuit fermée, mais claire encore, je revenais par cette montée lorsqu'à 20 pas de moi, j'ai vu Monsieur Frédéric sortir d'un fourré et traverser cette route en courant. Seulement, il s'est arrêté un moment au sommet de la montée, comme pour écouter dans la direction de la sortie de la cavée, et puis il a gagné le grand taillis qui borde la route de l'autre côté. De même que c'est le brillant du fusil de Monsieur Frédéric qui me l'a fait remarquer à travers la nuitée, et je me suis dit, « Tiens, voilà Monsieur Frédéric avec son fusil dans les bois de Monsieur le Marquis, c'est étonnant. » « Et y a-t-il longtemps de cela ?»« Ma foi, madame, il y a bien une demi-heure, car la lune ne faisait encore que de pointer. »« Jean-François, dit précipitamment la jeune mère, vous êtes un brave et digne homme. Je suis dans une inquiétude mortelle. Il faut que vous me conduisiez à l'endroit où ce soir vous avez vu mon fils. » Après avoir regardé Madame Bastien avec compassion, le métayer lui dit, « Tenez, madame, je vois ce qui vous tourmente, et dame, vous n'avez peut-être pas tort d'être inquiète. Achevez, achevez. Eh bien, voilà le fin mot. Vous craignez que Monsieur Frédéric ne soit à l'affût ce soir dans le bois de Monsieur le Marquis, n'est-ce pas? Moi, je le crois comme vous, madame, et franchement, il y a de quoi s'alarmer. Car Monsieur le Marquis est aussi déchaîné contre les braconniers et aussi jaloux de son gibier que feu son père. Ses gardes sont méchants diables, et s'il trouvait Monsieur Frédéric à l'affût, ma foi, ça irait mal. « Oui, c'est cela que je redoute, » reprit vivement Madame Bastien, quoiqu'une appréhension tout autrement terrible, quoiqu'encore vague, vint l'assaillir. « Vous le voyez, Jean-François, » ajouta-t-elle d'un ton suppliant, « il n'y a pas un moment à perdre. Il faut qu'à tout prix je ramène mon fils. Venez, venez !»« Tout de suite, madame, » dit avec empressement le métayer, et il se dirigea vers la porte. « Nous n'avons qu'à prendre le petit sentier dans les blés noirs, nous couperons au cours. » Et nous serons dans un quart d'heure à la forêt. Merci de votre bonté, Jean-François, dit Madame Bastien avec émotion. Oh, merci. Marchez, je vous suis. Partons vite. Mais notre homme, dit la métayère à son mari au moment où il sortait, en prenant la sente, il faudra traverser la tourbière. Et cette chère madame qui est chaussée fin se mouillera terriblement et pourra amasser du mal. Jean-François, je vous en conjure, ne perdons pas un instant, dit Madame Bastien. Et s'adressant à la métayère, « Merci, bonne mère, je vous renverrai tout à l'heure votre mari. »